tandis que le président du jury va faire la distribution des prix, argent ou médailles, aux paysans vainqueurs, le dialogue entre Rodolphe et Emma se poursuit. « Ensemble de bonne culture !» crée le président. « À M. Bizet, de Quincampoix, 70 francs !»« Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, savais-je que je vous accompagnerais ?»« 100 fois même, j'ai voulu partir, et je vous ai suivi, je suis resté. »« Comme je resterai ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie !»« Car jamais je n'ai trouvé dans la société, de personne, un charme aussi complet. »« Aussi, moi, j'emporterai votre souvenir. »« Mais, vous m'oublierez, j'aurai passé comme une ombre. » « Oh non, non, n'est-ce pas? Je serai quelque chose dans votre pensée, dans votre vie. » Rodolphe lui serrait la main. Et il la sentait toute chaude et frémissante, comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée. Mais, soit qu'elle essayait de la dégager, ou bien qu'elle répondît à cette pression, elle fit un mouvement des doigts et s'écria. « Oh, merci, vous ne me repoussez pas. Vous êtes bonne. Vous comprenez que je suis à vous. Laissez que je vous voie, que je vous contemple. » Rodolphe ne parlait plus. Ils se regardaient. Un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches. Et, mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent.